J'arrive défoncé sur papier. Cette nuit j'ai envie de tout enculer. Dans ma vie j'ai encaissé, étant blessé, sans cesser penser au passé. Cette pédasse a cassé, un autre s'en est allé sucer. Des envies de le tuer. Florence la pétasse, celle qui me fait boire la grande tasse. Des habits de moule, tu roules, tu boules. Excite mes couilles, c'est de ma faute à toi. Toi grosse pétasse, ouais on me disait qu'avec du pèse. Tu les baises à l'aise mec. Des envies de maquer. Cette là, la chétane me castagne. Appelle-moi kamikaze ou chaman. Mon travail enfoui au fond de mes entrailles. La flicaille, fouicaille. Moi c'est fly, kayanda, kaya, kaya. Et mec, mes 17 balais au bled. Ouais c'est vrai, je saigne. En plus, bordel de merde, on m'appelle français. Ça me vénère. Araya, mame hombre, de la sombra. Je vous embrasse et embrasse Adrien d'Espagne, dédicace en pleine prache, mais comme des coups de masse, des envies de tuer ce PD. La vie fait des effrontés, des perturbés, ma paranoïa en Espagne. J'suis bloqué pour parler, sans m'arrêter, me torturer. Si difficile de se protéger de ses pensées, mais quelle est cette haine, celle qui coule dans mes veines. Le laisser aller, du mal à s'accepter, tel qu'on est passé, menté, on n'est que des numéros sur papier. Et puis merde, pourquoi j'arrive pas à être moi-même. J'passe par des structures. Cette pute de mordure, j'ai rien demandé, elle vient m'emmener. Demander pourquoi j'ai tant plié, elle n'a pas de pitié. Mais j'aimerais me détacher, ma parole elle m'a attaché. Et frapper, vie violentée, ouais mec, ils ont envie de tuer, à chaque réveil c'est pareil. Me sort de mes rêves, ce putain d'appareil. Puis c'est parti pour le cauchemar. Il est vrai que la peur et paranoïa, elle ne me quitte pas. Ouais de plus de stress, je perds mes lèvres. Adolescent vénère, car vivant dans l'enfer, survivant de cette terre. Je monte en l'air, je me rappelle mon grand-père et sa chair. Trop vénère peut-être dans mes gènes. Ouais mes nerfs dégénèrent. Et ce type parle, il vise mon trou de balle. Il paraît que dans ma tête la paix je recherche, connard. Ne me teste pas, ne me déteste pas, car je ne l'accepte pas. Ouais s'il te plaît gars, respecte-moi. Eh on dirait que le respect est resté aux oubliettes. Merde, des mecs pensaient que je rappelais comme Brel, la pute à ta mère va te faire mettre. Me venger de tous ces PD qui m'ont vexé, blessé, rabaissé. Sur moi tu parles mal, coup de chasse dans ta race, sale bâtard, rafale de balle, au trou de balle. Celle-ci pour Sanchez qui se disait que j'avais une peau de pelouse. Le topo, on pète les chicots, moi et mes potos. Trop la rage, des dommages, du ravage sur ton visage à la sauvage. Des envies de tuer, j'ai pris mes gants sur mon mic haineux, nerveux, en rime généreux. C'est qui me rend heureux, flou, fluide, rime rapide, texte intrépide. Vite, tu mets vite, tu te ravises, toi et tes copines. Et toi, gars, tu t'appelles grave, parce que ta pétasse écarte, connard. Mais ton ex, la cachette, c'est ma grand-mère, sa mère. Des plaquettes, faut que je m'achète un appart, sa race.